Je me souviens de la rose qui se jouait pour Brocaire, de ces parfums qui déposent des souvenirs doux amers. Il me revient de ces choses que je voudrais bien faire taire. Je le pourrais, je suppose, je vais plutôt laisser faire. Ça fait du bien de passer de l'être à le voir. Cinéma sans quartier ne fait plus d'histoire. C'est du noir à la couleur sur écran géant. Il y a les sous-titres au final et je suis dedans. Et je suis dedans. Et je me dis quand j'y pense, quand on se voit tout va bien. Là se joue la différence sur nos accords quotidiens. Mais tu sais, la récompense, c'est de tes yeux qu'elle me vient. Quand je te vois qui te lance sans plus rien qui te retient. Du noir à la couleur sur écran géant. Il y a les sous-titres au final et je suis dedans. Je me souviens de la rose qui se jouait pour Brocaire, de ces parfums qui déposent des souvenirs doux amers. Que je voudrais bien faire taire. Je le pourrais, je suppose, je vais plutôt laisser faire. Je vais plutôt laisser faire. Je vais plutôt laisser faire. Sous-titres au final, et je suis dedans.